assise comme Marie aux pieds du Seigneur. Ton église fervente te prie de tout son cœur. Elle attend impatiemment le retour de son fiancé, les yeux levés au firmament, elle espère son bien-aimé. Tous ensemble d'un même cœur, nous élevons nos voix vers toi pour te louer, Seigneur, te célébrer, notre roi. Tous ensemble d'un même cœur, nous élevons nos voix vers toi pour te louer, Seigneur, te célébrer, ô notre roi. Assise comme Marie aux pieds du Seigneur, ton église fervente te prie de tout son cœur. Elle chante avec ferveur, Jésus viendra m'enlever, lui mon merveilleux sauveur, bien au-delà des nuées. Tous ensemble d'un même cœur, nous élevons nos voix vers toi pour te louer, Seigneur, te célébrer, notre roi. Tous ensemble d'un même cœur, nous élevons nos voix vers toi pour te louer, Seigneur, te célébrer, ô notre roi.